En 2023, devenir un créateur de jeux vidéo peut sembler être un défi. Et pourtant, c'est une industrie en constante évolution qui offre de nombreuses opportunités pour ceux qui cherchent à se lancer dans ce domaine. Voici quatre étapes clés que vous pouvez suivre pour devenir un créateur de jeux vidéo accompli. Première étape, soyez créatif et passionné. Le développement de jeux vidéo est un travail passionnant et créatif. Il est important de suivre votre passion et de vous immerger dans le monde du jeu vidéo pour créer des jeux qui plaisent aux joueurs. Deuxième étape, prenez en compte les tendances du marché. Il est important de comprendre les tendances du marché du jeu vidéo et de savoir quels types de jeux sont populaires en ce moment. Cela vous aidera à déterminer les types de jeux que vous voulez créer et à anticiper les besoins et les attentes des joueurs. En troisième étape, créez des projets en solo ou en équipe. La pratique est essentielle pour améliorer vos compétences en développement de jeux vidéo. Commencez par des projets simples et travaillez à mesure que vous acquérez de nouvelles compétences pour créer des jeux de plus en plus complexes. Vous pouvez également rejoindre une équipe de développeurs pour apprendre les uns des autres et améliorer vos compétences. En quatrième et dernière étape, apprenez de nouveaux outils et technologies. Développez vos compétences. La technologie de développement de jeux vidéo évolue constamment. Aujourd'hui, les nouveaux outils pour créer un jeu vidéo ne demandent plus de grandes connaissances en développement. Il est important de rester à jour sur les dernières tendances et sur les nouveaux outils pour améliorer vos compétences en développement de jeux vidéo. Commencez par suivre ces quatre principales étapes pour devenir créateur de jeux vidéo. La clé pour réussir dans ce domaine est de continuer à apprendre, de pratiquer et de développer vos compétences. Si vous avez la détermination et la passion pour créer un jeu vidéo, vous pouvez réussir en 2023.